fin d'un amour, celui qui reste est le perdant, celui qui part sait déjà que quelqu'un l'attend. À la fin d'un amour, à l'instant du dernier regard, il y a toujours, toujours sur terre quelqu'un. Je ne l'ai pas. Bien sûr que je comprends, bien sûr que je ne t'en veux pas. Mais déjà nous voilà devenus.